L'actualité à Nancy et ailleurs. La quinzaine nationale du commerce équitable se termine ce dimanche 23 mai, un événement auquel participe notamment Vététique à Nancy. Morgane Bétrémieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes salariée de Vététique et aussi bénévole de l'association Collecosol, une association donc qui a pour but de la promotion du commerce équitable notamment. Alors expliquez-nous déjà Vététique en quelques mots. Vous êtes située rue Saint-Dizier à Nancy, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est située au 109B rue Saint-Dizier à Nancy. On a changé de local au mois de septembre 2020, parce qu'avant on était dans un tout petit local rue Saint-Michel. Alors expliquez-nous un peu le concept de ce commerce. Du coup, nous on diffuse du textile issu du commerce équitable, donc à la fois nord-sud et nord-nord, donc français ou fabriqué ailleurs, en Asie, etc., mais toujours en commerce équitable. Le commerce équitable, c'est un commerce qui est juste, dans lequel les travailleuses et travailleurs sont rémunérés correctement. Et c'est un commerce qui leur permet de vivre dignement de leur travail, contrairement à ce qu'on peut voir dans le commerce conventionnel. Voilà, ils perçoivent un salaire vital qui leur permet de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Le commerce équitable qui est à l'honneur lors de cette quinzaine nationale qui a lieu tous les ans, cette année avec le contexte que l'on connaît, là vous rouvrez aujourd'hui ? Oui, c'est ça, on rouvre aujourd'hui, donc de 10h à 18h30, on sera présent. Vététique, vous participez bien entendu à cette quinzaine nationale du commerce équitable. Ça se termine ce dimanche 23 mai. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous allez organiser? Vous allez accueillir notamment une association samedi. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui nous attend. Oui, c'est ça. Donc ce week-end, il y a des animations à Vététique dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable. Et samedi, en fait, on accueille un de nos partenaires qui s'appelle Ayudart et qui diffuse de l'artisanat péruvien. Et dimanche, à la boutique, on sera ouvert. En fait, on organise une opération seconde main. Donc, c'est-à-dire que des clients ramènent des vêtements qu'ils ont achetés à Vététique il y a quelques années, etc. Et on les propose en seconde main pour une mode éthique accessible à tous. Ce sera ce dimanche 23 mai. Pour y participer, est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe? Si vous avez des vêtements de Vététique, que vous êtes déjà client, que vous avez déjà acheté des vêtements chez nous et que vous ne portez plus, vous pouvez venir les déposer jusqu'à ce samedi. Et du coup, après, dimanche, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut venir acheter de la seconde main chez nous et même découvrir les nouvelles collections si vous en avez envie. Bien entendu. En introduction, quand je vous ai présenté, j'ai dit que vous étiez bien sûr salarié de cette boutique Vététique, mais aussi bénévole de l'association Collecosol. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors le Collecosol, c'est le collectif pour la promotion du commerce équitable et de la consommation responsable dans le Grand Est. Donc il y a une antenne en Alsace et ici à Nancy, en Lorraine. Et en fait, ça fait partie d'un mouvement national qui s'appelle Faire un monde équitable. Et du coup, il y a différentes assos sur le territoire et nous, Collecosol, donc du coup, on est présent dans le Grand Est et en fait, on fait des actions de sensibilisation sur le commerce équitable pour les jeunes et les moins jeunes, le grand public, pour sensibiliser aux enjeux du commerce équitable et ses impacts positifs en réponse aux inégalités sociales et aux défis climatiques. Je crois que en termes de circuit court et de monnaie locale, vous acceptez le florin, la Vététique. Oui, c'est ça, à Vététique, on accepte le florin, donc la monnaie locale à Nancy. On est même bureau de change, donc si vous voulez adhérer au florin ou changer vos euros en florin, et c'est possible chez nous. Bien sûr, si on a des questions concernant tout ça, on n'hésite pas à vous contacter. Alors bien sûr, à votre adresse au 109B rue Saint-Dizier à Nancy, mais aussi via Internet. Oui, c'est ça, vous pouvez visiter notre site Internet pour voir les dernières actualités. On a même une partie e-boutique. On n'a pas toutes nos références, mais on a quelques vêtements en ligne. Et puis oui, on est présent sur Facebook et même sur Instagram. Eh bien, merci Morgane pour cette présentation. Merci à vous. Et bonne reprise. Merci, c'est gentil. On vous attend à la boutique. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.